Chapitre 10. Il ne dormit guère de toute la nuit. Ce baiser n'avait pas calmé sa fièvre. C'était l'aveu, l'engagement qu'il avait en vain demandé pendant toute la journée, et qu'elle lui accordait enfin au moment du départ. Elle l'aimait, elle était à lui. Il attendit le lendemain avec une impatience qui par moments devenait une véritable angoisse. Mais elle ne vint pas. Elle envoya un billet de quelques lignes pour s'excuser et dire qu'elle était, à son grand regret, retenue à Paris. Quelle déception! Viendrait-elle le lendemain? Puisqu'elle avait manqué à sa promesse, elle pouvait bien encore ne pas la tenir. Quelle femme séduisante, mais décevante aussi, insaisissable, comme l'oiseau qui se laisse approcher sans vol lorsque la main se lève pour le prendre. Cependant, elle vint le lendemain, mais elle n'était pas seule. Mademoiselle Belmont était avec elle. Comme il lui exprimait sa surprise et son mécontentement à propos de cette visite, elle se mit à rire. « Soyez convaincue, dit-elle, que je n'ai pas pu ne pas l'emmener. Tout d'abord, j'étais contrariée de cette obligation, pour vous d'abord, qui, j'en étais certaine, seriez fâchée de voir notre tête-à-tête rompu, et puis aussi pour moi, qui, non moins que vous, désirais ce tête-à-tête. Si vous l'aviez désiré comme moi, vous ai-je montré que celui d'avant-hier m'avait été désagréable ? Je vous disais donc que, tout d'abord, j'avais été contrarié. Mais en y réfléchissant, j'ai trouvé que cette visite de la belle Carmelita avait quelque chose de bon. En ces derniers temps, je suis la seule femme que vous ayez vue. Et, tout naturellement, vous m'avez accordé des perfections avec d'autant plus de libéralité que vous n'aviez pas de terme de comparaison. De notre côté, on pourrait croire que vous êtes venu à moi parce que, dans cette solitude, vous ne pouviez pas adresser vos hommages à une autre. Est-ce vous vraiment qui croyez cela? Je ne dis pas que je le crois, mais qu'on pourrait le croire. Cela est mauvais. Je veux que désormais vous ayez des points de comparaison, et je veux aussi que, quand votre sourire viendra à moi, il soit une préférence. Je vais être choisi entre toutes. C'est mon orgueil, ma joie. Aujourd'hui, j'ai amené la belle Carmelita. Demain, j'inviterai la charmante Ida à m'accompagner. Je vous en prie, chère Henriette, ne faites pas cela. Et pourquoi donc? Il me semble qu'il y a une satisfaction réelle à se voir préférée à deux jeunes filles aussi différentes entre elles, mais aussi véritablement belles que Carmelita et Ida. D'ailleurs, ce ne sont pas des indifférentes pour vous, si j'en crois notre ami Gaston. Gaston ne sait ce qu'il dit et il parle beaucoup trop. En tout cas, je sais, moi, ce que j'ai pu observer, non seulement chez Ida et chez Carmelita, mais encore chez vous, chez moi. Je sais voir. Affirmez-vous que, le jour où vous avez dîné chez moi pour la première fois, vous étiez de sang-froid lorsque vous vous êtes levé de table et que vous êtes resté hésitant entre ces deux jeunes filles qui, l'une et l'autre, attendaient votre bras. Croyez-vous que je n'ai pas remarqué le regard qui s'est échangé entre vous et Carmelita lorsque vous vous êtes enfin tourné vers celle-ci? De pareils regards en apprennent long à ceux qui les saisissent. Il me plaît donc maintenant de vous mettre en leur présence, de sorte que vous puissiez choisir entre elles et moi. « Ah, certes, je tiens à votre amour. Mais il aura 100 fois plus de prix à mes yeux, et il me sera bien plus doux, s'il est une réelle préférence. Vous voilà donc, mon cher Édouard, transformé en berger Paris. Vous tenez la pomme entre vos mains. Nous verrons à qui vous la donnerez, la parisienne, l'italienne, l'allemande. Mais c'est là une situation très drôle. Je ferai une chanson avec cela. Il est bien entendu, n'est-ce pas ? Que nous nous présenterons devant vous dans un costume moins primitif que celui du tableau de Raphaël. Vous plaisantez. Et voulez-vous que je vous plaigne, plutôt? Je voudrais que vous eussiez le sentiment des heures que nous allons perdre ainsi. Si vous m'aimez sincèrement, profondément, comme je le désire, si votre amour est une passion et non un caprice, nous aurons l'éternité devant nous. Qu'importe alors quelques heures perdues? L'expérience que je tente mérite bien que je les sacrifie pour obtenir le témoignage que je cherche. Soyez certain qu'en tout ceci, je suis au fond beaucoup plus sérieuse que je ne le parais. Règle générale, mon ami, qui vous servira plus d'une fois avec moi, et c'est pour cela que je vous la donne. Quand vous me voyez rire et plaisanter, défiez-vous, il y a quelque chose dessous. Elle vint donc à Chalençon en se faisant accompagner presque toujours d'Ida ou de Carmelita, tantôt de l'une, tantôt de l'autre, quelquefois même de toutes les deux. Mais le colonel était trop furieusement épris de sa chère Henriette pour se laisser toucher par d'autres yeux que les siens. Ce qu'elle avait expliqué en riant s'était bien vite réalisé. Ceux qui étaient caprices, tout d'abord, avaient rapidement pris un caractère sérieux. ce mélange d'abandon et de retenue, de provocation et de résistance, de raillerie et de tendresse, avait été pour lui un aiguillon tout-puissant, qui, en quelques bonds, lui avait fait franchir une distance qui le surprenait lui-même, lorsque, se retournant en arrière, il tâchait de voir le chemin qu'il avait parcouru. Et quoi ? En quelques jours, c'était là qu'il en était arrivé. Et alors il se demandait s'il n'avait pas fait une imprudence, en s'embarquant légèrement dans cette aventure. Pour être vieille comme le monde, la maxime « on ne badine pas avec l'amour » n'en est pas moins toujours vivace. Et peut-être allait-il faire l'expérience de sa toute-puissance. Mais, quoique la sage réflexion pût lui montrer dans l'avenir, il se sentait parfaitement incapable de revenir en arrière, entraîné, emporté qu'il était par un mouvement irrésistible. Aussi avait-il hâte maintenant de quitter Chalençon et employait-il auprès de son médecin autant d'adroits détours pour partir tout de suite qu'il en avait employé naguère pour rester. « L'air ne vous fait donc plus de bien ?» demandait le médecin. « Je m'ennuie. Vous n'êtes donc plus un enfant des forêts. J'ai besoin d'aller à Paris. Allez-y, je vous le permets, mais revenez aussitôt. Non, j'ai besoin d'y rester. Pour votre plaisir, pour mes affaires. » Et le médecin se disait que tous les malades sont fantasques, même ceux qui paraissent calmes et raisonnables. Pour Madame de Lucilière, qui connaissait les vraies raisons de ce changement, elle ne se montrait pas mieux disposée à ce départ. « Vous n'êtes donc pas heureux ici, » disait-elle. « J'espère être plus heureux à Paris. Je ne serai pas chez vous. » « Et où nous verrons-nous ? Au théâtre, aux courses, dans le monde où nous nous rencontrerons ? Croyez-vous que nous trouverons dans ces conditions la liberté dont nous jouissons ici ? Une liberté au-dessus de laquelle pèse une contrainte n'est plus la liberté. Et si nous n'avons plus ces promenades dans ce parc, au moins je serai maître de moi. Encore une fois, où nous verrons-nous ? Croyez-vous qu'une femme comme moi puisse aller au Grand Hôtel ? Mais mon ami, tout Paris le saurait le lendemain. Je ne tiens pas au Grand Hôtel et je puis me loger ailleurs. J'aurais voulu, mon ami, que vous eussiez cette idée de vous-même et qu'elle ne fût pas suscitée par cette discussion. Est-ce que, si vous m'aimez sincèrement, vous pouvez rester dans un hôtel ? N'est-ce pas me dire d'une façon indirecte ? Vous savez que le jour où je ne vous aimerai plus, je retourne en Amérique. Est-ce que vous pouvez avoir la pensée de quitter jamais Paris ? De vous éloigner de moi, de m'abandonner ? Et qui vous a dit que je voulais quitter Paris ? Personne. Mais qui me dit que vous voulez y rester ? Rien, il me semble, ne l'annonce. Au contraire, votre séjour à l'hôtel marque bien l'idée de départ. En Amérique, on demeure à l'hôtel souvent pour toute la vie. Nous ne sommes pas en Amérique, nous sommes en France. Est-ce que ce ne serait pas me donner une preuve d'amour à laquelle je serais sensible et qui m'inspirerait confiance ? Que de vous établir à Paris d'une façon définitive, qui vous en empêche ? Avec votre fortune, vous pouvez vous passer toutes vos fantaisies, n'est-ce pas ? Pourquoi n'achèteriez-vous pas un hôtel près du mien ? Est-ce qu'il est digne d'un homme dans votre position de rester en camp volant ? Cela est par trop américain. Je veux, si vous m'aimez, si je vous aime. Oh ! Je ne parle pas du présent. Je vois, je sens qu'en ce moment, vous m'adorez. Mais cela ne signifie rien. Je dis donc que si vous m'aimez, comme je désire être aimé par vous, sincèrement, pour toujours, je veux que vous soyez le roi du monde parisien. On veut bien m'accorder une certaine influence dans ce monde. Il me plaît de la mettre à votre service pour vous guider dans ce que vous ignorez en votre qualité d'étranger. Vous avez tout ce qu'il faut pour obtenir cette royauté. La fortune, d'abord, puis l'originalité, et toutes ces qualités qui font que vous êtes vous, c'est-à-dire une personnalité sur laquelle on est obligé malgré tout de fixer les yeux. Eh bien, je veux que vous ayez ce succès. Je veux être fier de vous, non seulement dans l'intimité, mais devant tous. Peut-être penserez-vous que c'est une faiblesse, ou tout au moins de la vanité mal placée. Je ne crois pas, et d'ailleurs je suis ainsi, qu'il faut que j'aie l'orgueil de celui que j'aime. Mais pour ce rôle que je veux vous voir prendre d'autorité, la première condition, l'instrument, si l'on peut dire, c'est l'hôtel, où vous puissiez vous établir convenablement, recevoir, donner des fêtes, exercer votre royauté. Tout ce qui peut vous plaire me plaît. Et bien que je me sente peu de disposition pour ce rôle, qui n'est ni dans ma nature ni dans mes moyens, et que je jouerai mal, je le prendrai. Si cela vous est agréable, mais encore faut-il que je rentre à Paris. Ce n'est pas à Chalençon que cet hôtel viendra me chercher. Oh, j'ai mon idée. Ce que je viens de vous dire n'est pas improvisé. Depuis que je sais que vous m'aimez, j'y pense. et je connais l'hôtel que je vous destine. Alors dites-moi vite où il est. Demain il sera à moi, après-demain je pourrai vous y recevoir. » Mais les choses ne s'arrangèrent pas avec cette rapidité. Madame de Lucilière voulut que le colonel visitât avant tout l'hôtel qu'elle avait en vue, et pour cela il fallut attendre qu'il pût faire le voyage de Paris. Situé dans le quartier du parc Monceau, cet hôtel joignait par son jardin celui du marquis de Lucilière. Mais, tandis que l'un était tout flambant neuf, l'autre avait un caractère tout opposé. Il était resté en tout et pour tout un hôtel du XVIIIe siècle, exactement comme s'il eût été touché de la baguette de la fée de la Belle au bois dormant, 100 ans auparavant. Grands appartements, vastes dépendances, beaux jardins ombragés de vieux arbres. Il appartenait à une vieille famille de grande noblesse, appauvrie en ces derniers temps, mais qui était cependant encore assez à son aise pour attendre qu'il eût acquis une plus-value, lui permettant de se reconstituer une fortune en le vendant. Le colonel chargea ses banquiers d'arranger cette affaire, et comme ils avaient l'ordre de ne pas s'attarder dans des discussions et d'accorder tout ce qu'on demanderait, elle fut vite faite. Mais ce n'était pas tout. Il fallait maintenant lui faire subir quelques travaux d'appropriation indispensables. Il fallait le meubler. Il fallait mettre des chevaux dans les écuries et des voitures sous les remises. Des fleurs dans la serre, des plantes dans le jardin. Enfin, il fallait organiser le service que comportait une maison de cette importance, tout un monde de détails et de tracas. Bien entendu, le colonel ne resta pas à Chalençon jusqu'au moment où son hôtel fut prêt à le recevoir. Et il revint s'établir en attendant dans son appartement. Chaque jour, il voyait la marquise, mais chez elle, ou bien au bois, ou bien dans les maisons où le hasard les réunissait, jamais dans l'intimité du tête-à-tête. Ces obstacles, au lieu d'affaiblir le sentiment qu'il éprouvait pour elle, l'avaient exaspéré. C'était une véritable possession. Il ne voyait qu'elle. Il ne vivait que pour elle. 20 fois, 100 fois, il l'avait priée, suppliée, de le dégager de son serment, qu'elle lui rappelait sans cesse. Toujours, elle avait résisté. Non, pas encore. « Ce serment, je vous le rendrai, je vous le jure. Laissez-moi choisir mon jour et mon heure, et surtout, ne croyez pas que j'agis ainsi pour irriter votre amour. Je veux, au contraire, l'éterniser. Vous m'aimez, je vous adore. Aussi, je ne veux pas qu'un amour tel que le nôtre ait un dénouement vulgaire. Oui, je pourrais vous remettre ce serment. Oui, je pourrais vous rendre heureux, car je ne doute plus de vous et sens que la passion que je demandais a envahi ce cœur tout entier. Mais je veux un bonheur plus grand, plus complet, pour vous, pour toi, pour moi. Je ne veux pas qu'il y ait entre nous une minute d'égarement, d'entraînement. Je veux que tout soit volontaire et recueilli. Enfin, je veux un sanctuaire à nos souvenirs, où nous puissions toujours les retrouver intacts. Pressez vos gens. » Et il n'avait pas besoin de cette excitation. Chaque fois qu'il la quittait, il allait visiter son hôtel pour presser les ouvriers ou chez ses fournisseurs pour les rappeler à l'exactitude, et jetant l'argent à pleine main, il obtenait des miracles. Du sous-sol au comble, l'hôtel était plein d'ouvriers, peintres, menuisiers, plombiers, tapissiers, qui travaillaient jour et nuit en 2 brigades, l'une remplaçant l'autre. Un jour que le colonel traversait la salle à manger, il lui sembla reconnaître dans un ouvrier qui, tourné vers le mur, dessinait un panneau en bois, la tournure de son oncle Antoine. Il s'approcha, c'était bien Antoine. Mais celui-ci, absorbé dans son travail, ne l'avait pas vu venir. Il fallut que le colonel lui mît la main sur l'épaule pour qu'il levât les yeux. « Comment, mon cher Édouard, c'est pour vous que je travaille. Vous n'en saviez rien, absolument rien. On m'a dit de venir relever ces panneaux pour en faire 2 neufs, destinés à remplacer ceux qui sont pourris. Je suis venu sans demander le nom du propriétaire. Que m'importait puisque ce n'était pas lui qui devait me payer? Et puis franchement, j'étais loin de me douter que le propriétaire c'était vous. Comment? Comment vous avez acheté ce bel hôtel? Alors vous allez donc vous établir tout à fait à Paris? En voilà une bonne idée, et pour nous de la joie, pour Thérèse comme pour moi. Nous disions toujours, il retournera en Amérique. Mais non, vous restez à Paris. Ma foi, mon neveu, une poignée de main. J'ai hâte de retourner à la maison pour y apporter cette bonne nouvelle. » Le colonel avait une véritable affection pour son oncle. Il fut fâché de cette rencontre. Il n'était pas dans des conditions à vouloir qu'on lui parlât de Thérèse. Il ne pensait que trop à elle, et d'une façon qui était gênante pour lui et pénible. « Thérèse, Qu'adviendrait-il maintenant du projet qu'il avait formé pour elle? C'était là une question douloureuse, qui s'imposait trop souvent à lui, et qu'il ne voulait pas examiner en ce moment. Enfin, son architecte put fixer le jour où il lui livrerait l'hôtel. Ce n'était pas seulement par le colonel et la marquise que ce jour était impatiemment attendu. Il l'était encore par une foule d'indifférents et de curieux. Lorsqu'on avait su que le colonel Chamberlain avait acheté l'hôtel de son veau, et qu'il le faisait approprier à son usage et meublé par un architecte à la mode, on avait recommencé à s'entretenir dans le monde parisien de ce fameux colonel, qui décidément fournissait d'inépuisables éléments à la curiosité publique. Sa fortune d'abord, son assassinat ensuite, maintenant son hôtel. Donnera-t-il des fêtes? Qui inviterait-il? Comment pourrait-on le connaître? Madame de Lucilière avait répondu affirmativement à la question des fêtes. Ce n'était pas pour que l'hôtel restât clos et sombre qu'elle l'avait fait acheter par le colonel. Et ce n'était pas en demeurant enfermé chez lui que celui-ci pouvait prendre le rôle qu'elle lui destinait. Au mot de fête, le colonel s'était récrié. Ce n'était pas pour donner une fête à des indifférents, qu'il s'était imposé tant de peine et qu'il avait gagné quelques jours. Mais elle l'avait calmé en souriant. « Votre architecte vous promet votre hôtel pour dans 10 jours, n'est-ce pas? C'est-à-dire pour le mardi. Eh bien, fixons cette fête au jeudi. Le mercredi sera pour nous seuls. Donnez les ordres pour que vos gens n'entrent que le jeudi matin, et disposez tout pour qu'il n'y ait mardi soir dans l'hôtel que le seul Horace, en qui j'ai pleine confiance. Il suffira pour nous servir. Mardi soir, à 11 heures, attendez-moi à la gare du Nord. Nous partirons. Non, je reviendrai de mon Lignon, où j'aurai été le matin. Ayez une voiture de remise. » Le mardi, à l'heure convenue, il était à la gare du Nord, mais il eut peine à reconnaître la marquise dans la femme voilée qui lui prit le bras. Elle était enveloppée dans un grand manteau qui ne laissait rien voir d'elle. Ils firent la route de la gare à l'hôtel dans les bras l'un de l'autre. L'hôtel était de plus en plus le palais féerique de la Belle au bois dormant. Dans le vestibule, les lampadaires brûlaient, et dans les salons, les lustres et les lampes étaient allumés. L'air était chargé du parfum des fleurs qui emplissaient les jardinières, et cependant personne, pas un bruit, dans ces vastes appartements dont toutes les portes étaient ouvertes. Madame de Lucilière s'appuyait sur le bras du colonel. Il sentit qu'elle frissonnait. Il voulut l'attirer sur sa poitrine. Elle le repoussa doucement. « Et votre serment ? » dit-elle. Il eut un geste d'emportement, mais elle lui retint le bras et d'une voix pleine de tendresse. « Marchons. Faites-moi voir notre hôtel. » Ils arrivèrent ainsi à la chambre du colonel. Alors elle abandonna le bras sur lequel elle s'appuyait, et en un tour de main, ayant jeté loin d'elle son chapeau et le manteau qui l'enveloppait, elle se montra vêtue d'une robe blanche. Ce fut une apparition, une transfiguration. Il s'élança vers elle, mais par un geste plein de noblesse, elle l'arrêta. « Édouard, m'aimez-vous? Je vous prie, à cette question comme à celle que je vous poserai, répondez-moi simplement par oui ou par non. L'heure est solennelle pour nous, mon ami, car c'est elle qui va décider notre vie. M'aimez-vous? Je vous aime. M'estimez-vous? Oui ou non? Oui. Si j'étais libre, feriez-vous de moi votre femme? Encore une fois, loyalement, un oui ou un non? Oui. Eh bien alors, je suis à toi. » Et lui jetant les bras autour du cou, elle appuya sa tête contre lui en le regardant.